J'ai envie de rentrer à la maison. Le chemin n'est plus le même maintenant qu'on a le monde. Sur mon dernier flot dans mon bas de caisse con. Et à clé coffre et mes rêves qui resteront. Une photo de ma vie un peu plus qu'avant. Les doutes se confirment un peu moins qu'avant. Les ongles se confient. Et toi tu sauras jamais qui je suis. Moi-même j'aurai du mal toute ma vie. Donc j'aurai besoin de revenir ici. Je te laisserai le temps me décevoir. Et le temps me laissera voir. Et je te plaire dans le noir. Dernier dans le foie à la recherche de lueur. Quelques roses, beaucoup d'épines dans le cœur. Même enfant sans les rêves, sans les pleurs. Et j'ai plein de questions pour mon créateur. En entendant ce train, je fais plein d'erreurs. Et le passé fait vibrer mon cœur. Je veux plus qu'on survive, je veux une vie meilleure. Je veux plus qu'il se prive, vu tes rêves et meurs. Que la mif, rien n'a changé dans ma vie. J'suis en déconne, j'te fais pas de bouquet. J'ai la rose, mais déconne, j'vais pas au Saint-Valentin. Que du bif, rien n'a changé dans ma vie. T'as la rue m'a piqué, m'a dit le lit c'est temps. J'voudrais bien t'expliquer, mais j't'ai con, j'ai pas le temps. Que la mif, rien n'a changé dans ma vie. Y'a de la richesse dans nos âmes, y'a de la misère dans nos yeux. Que du bif, rien n'a changé dans de la beauté et du chêne. On pense qu'on mérite pas les cieux. J'ai envie d'être gang, j'ai pas envie de rigoler. Pourtant j'ai le sourire jusqu'au bec sur la mec. La vie nous fait pleurer, j'ai envie d'être bête. Ne plus réfléchir, ne plus les pardonner. Plus rien dans la tête. Je garde toutes mes larmes, des fois mes yeux brillent. J'ai envie d'être vite, ne plus avoir d'âme. Redevenir la bête. J'ai envie d'amour, mais ça s'achète pas. Quand j'en donne c'est gratuit, ces bâtards me le rendent pas. Drôle de concept. Et je peux dire j'ai le cœur gainé, le regard un peu de Superman. Et je peux dire qu'on a peur d'aimer, Darek Clark a des Superman. J'ai envie d'arrêter tout, mais la haine m'a traumatisé. Les gens qui m'ont suivi, je peux pas les abandonner. Alors je crois que je suis condamné. Que la mif, rien n'a changé dans ma vie. J'suis en déconne, j'te fais pas de bouquet. J'ai la rose, mais déconne, j'vais pas au Saint-Valentin. Que du bif, rien n'a changé dans ma vie. T'as la rue m'a piqué, m'a dit le lit c'est temps. J'voudrais bien t'expliquer, mais j't'ai con, j'ai pas le temps. Que la mif, rien n'a changé dans ma vie. Y'a de la richesse dans nos âmes, y'a de la misère dans nos yeux. Que du bif, rien n'a changé dans de la beauté et du chêne. On pense qu'on mérite pas les cieux. Que la mif, rien n'a changé dans ma putain tête. Que du bif, rien n'a changé dans ma putain tête.